Les contes sont de nulle part. Et pourtant, on les retrouve partout. Ce sont eux les plus grands voyageurs. Ils n'ont pas de nationalité, ils parlent toutes les langues. Aucune frontière n'a jamais pu les arrêter. Aucune époque, aucun terroir, aucune famille, aucun bavard n'a jamais pu les accaparer. Et Dieu sait s'ils ont tous essayé. Ils sont le grand miroir de l'homme. Une seule chose peut le briser, le silence. Pour que leur marche millénaire ne s'arrête pas devant ma porte, je leur donne mes yeux, ma langue, ma musique. C'est ma manière. C'est la monture que je leur donne. Je suis conteur. Un homme d'aujourd'hui qui raconte aux hommes d'aujourd'hui des histoires plus vieilles que le monde et plus jeunes que la dernière pluie. Peut-être un jour, vous aussi, après avoir lu ou entendu des contes, oserez-vous les conter à votre tour ? Parlez. Osez vos propres mots, votre langue, comme elle est. Comme on n'osait pas quand on va où on va. Même si c'est sur un chemin qu'on a fait mille fois ou que d'autres ont ouvert avant soi. Conter, c'est offrir sa parole à un rêve qui chemine. C'est ouvrir son jardin et en faire un navire. Voyager, rien de plus. Jusqu'à offrir à l'autre un souvenir nouveau. Risquer de faire de lui un témoin, lui aussi. Un conteur à venir. Michel Hindenoche. Le voyage de Jorg. Il était une fois un petit village au bord de la mer. Et dans ce village, il y avait de petites maisons blanches. Et dans ce village, il y avait des habitants. Des hommes, des femmes, des enfants. Parmi ces enfants, il y en avait un qui s'appelait Jorg. C'était un orphelin. Il n'avait connu ni son père ni sa mère. Mais les gens autour de lui avaient le cœur dur. Les enfants de son âge ne voulaient jamais jouer avec lui, parce qu'il n'était pas comme les autres. Et les grandes personnes, ce n'était pas mieux. Elles ne l'avaient jamais laissé entrer dans leur maison. Et Jorg s'était habitué à dormir dehors, avec les chiens et à manger le pain perdu. Mais ce qui était pire encore, c'est qu'il ne grandissait pas. Les enfants de son âge grandissaient autour de lui, mais lui, il restait toujours petit. Un jour, le petit Jorg en a eu assez. Il s'est dit « Quitte à être malheureux, autant voyager !» Et il s'en est allé. Il a marché, marché, marché, sans s'arrêter, sans se retourner. Il a traversé des rivières, des montagnes, des déserts. Et il s'est retrouvé dans une grande forêt. C'était un bois étrange. À mesure qu'il avançait, il lui semblait que les arbres se resserraient, que bientôt il ne pourrait plus avancer. Alors, il a songé à se reposer. Il s'est fait un lit de feuilles mortes et il s'est couché. Mais juste avant que le sommeil le prenne, il a entendu craquer des branches. Il s'est levé pour voir d'où cela venait. C'était une vieille femme avec un long manteau rouge. Elle marchait lentement, avançant à peine, les mains en avant comme une somnambule. Elle semblait pousser quelque chose. Alors, il s'est approché encore et il a vu. La vieille poussait devant elle une boule immense faite de branches et d'arbres entremêlés. Ça montait jusqu'au ciel, comme un énorme nid d'oiseau. Ça se prenait entre les arbres, ça craquait, ça ne pouvait pas passer. Et elle poussait de toutes ses forces, elle poussait, ça craquait. Et bientôt, elle l'a vu. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là à me regarder ? Tu vois bien que c'est lourd, non ? Tu ferais mieux de m'aider au lieu de rester planté. Le petit Jorg s'est approché. Il a posé ses petites mains entre celles de la vieille et il s'est mis à pousser. Et alors, curieusement, la boule s'est mise à rouler à travers les arbres sans effort, comme si elle ne pesait rien. Le petit Jorg regardait la vieille sans comprendre, mais elle était toute sérieuse à son affaire. Elle poussait, Elle poussait. Et bientôt, elle s'est arrêtée. Eh bien, qu'est-ce que tu as à pousser encore? Tu ne vois pas qu'on est arrivé? C'était une clairière. Il faisait déjà nuit. La vieille a rangé son énorme fagot près de la cabane. Elle a monté 3 marches. Elle est entrée. Puis elle est ressortie aussitôt. Qu'est-ce que tu attends? Je ne chauffe pas pour dehors, moi. Allez, entre, il fait froid. Le petit Yorg est entré, tout tremblant. C'était la première fois qu'il entrait dans une maison. C'était sombre. C'était bien plus petit qu'il ne se l'imaginait. Et puis, c'était tout encombré. Il y avait une table, des bancs, une armoire. La vieille est allée en se faufilant vers la cheminée où pendait un chaudron. Elle en est revenue avec un bol tout fumant qu'elle a posé sur la table. « Allez, il faut manger pendant que c'est chaud !» Yorg a goûté, c'était brûlant. Il a regoûté, qu'est-ce que c'était chaud! Mais c'était bon! Et il a fini par tout manger, jusqu'à la dernière goutte. « T'es pas bien gros, toi! Il faut manger, tu sais! Qu'est-ce que tu faisais là, dehors? Tu t'es perdu? Non. Ah? Alors tu t'es sauvé, c'est ça? Et le petit Yorg lui a tout raconté. Le village, les enfants, les gens. Et qu'il ne pouvait pas grandir. Et qu'un jour il en avait eu assez. Et qu'il était parti. Écoute, tu as bien fait. Quand on n'est pas bien quelque part, il vaut mieux s'en aller. Ceux qui sont comme toi passent toujours par ici. Mais tu sais, ce n'est pas ici que tu vas grandir. Il faut encore sortir de la forêt. Et pour en sortir, je vais te dire, il faut toujours marcher du côté où la terre monte. Et alors, tu en sortiras. Puis tu verras devant toi 3 grandes montagnes. Il faudra choisir la plus haute et y monter. Tout en haut. Jusqu'au sommet. Une fois arrivé, assieds-toi entre 2 rochers et tu pourras voir le pays de l'autre côté. Et alors, si tu veux grandir, ramasse une pierre par terre, n'importe laquelle. Jette-la dans la vallée et puis tu verras. Quelqu'un viendra t'aider. J'aimerais seulement que tu penses à moi. Qu'au retour, tu me rapportes ce qui sera sorti de ta bouche pendant que tu étais là-haut. Tu veux bien faire ça pour moi? Le petit Yorg se demandait ce qui allait bien pouvoir sortir de sa bouche. Mais il a promis. Il a passé la nuit sur la paillasse de la vieille. Et le lendemain, quand il a ouvert les yeux, la vieille était toujours assise à le regarder. Tu es toujours décidé? Oui. Tu ne m'oublieras pas? Non, je ne vous oublierai pas. Et il s'est mis en chemin. Il a marché, marché, marché du côté où la terre monte. Puis il a bien fini par sortir de cette forêt. Rendu à la lisière, il a vu les montagnes. Il les a regardées, il a choisi la plus haute et il a commencé à grimper. Pierre après pierre, rocher après rocher. Et il est bientôt arrivé tout en haut, jusqu'au sommet. Il s'est assis entre deux rochers pour voir le pays de l'autre côté. Mais il ne s'attendait pas à ça. C'était un pays étrange, sans ciel ni terre. Un pays de brouillard. On sentait bien que la montagne descendait vers quelque chose, mais quoi? On ne voyait pas à trois pas. Le petit Jörg a pris peur. Il a songé à retourner. Puis il s'est dit « Je ne suis pas arrivé jusqu'ici pour rien. » Il a regardé par terre. Il a ramassé une pierre. Il l'a lancée dans la vallée. Et tac, tac, tac. Et la pierre est tombée. Tout à coup, il a senti quelque chose venir du fond de la vallée. Un souffle, un vent glacé qui s'est mis à l'entourer, à souffler, à siffler. Et le froid a commencé à le prendre, à le serrer, à gagner ses mains, son visage, ses pieds. Et cela a tourné, tourné, soulevé la poussière et les pierres autour de lui pendant des heures. Mais il ne bougeait pas. Il sentait bien qu'il ne devait pas bouger, qu'il devait tenir. Et ça a duré. Ça a duré. Le froid le gagnait. Mais bientôt, le vent s'est arrêté. Et une voix lui a dit « Tu es resté. C'est bien. Tu es courageux. Tu dois être fatigué maintenant. Repose-toi entre les deux rochers et demain matin, recommence. Ramasse encore une pierre, jette-la dans la vallée et alors tu verras. Mon grand frère viendra t'aider. » Le petit Jörg s'est calé entre les deux rochers. Il a posé sa joue sur la pierre et il a attendu le sommeil. Mais juste avant que le sommeil ne vienne, il a senti que quelque chose allait sortir de sa bouche. Alors il a craché. C'était un petit os de poulet. Il a regardé, tout étonné. Il l'a posé par terre à côté et il s'est endormi. À son réveil, le petit Jörg s'est retrouvé comme la veille, au sommet de la montagne. Le pays était toujours le même, sans ciel ni terre. Il a eu peur à nouveau, puis il s'est dit « Je ne suis pas arrivé jusqu'ici pour rien. » Il a regardé par terre, il a ramassé une pierre, il l'a lancée dans la vallée. Et tac, tac, tac. Et la pierre est tombée. Alors, il a vu sortir quelque chose du fond de la vallée. Une ombre qui montait, un visage qui grandissait. Et il a vu un bec énorme et deux grands yeux qui le regardaient comme deux grands soleils. Et il a vu les épaules et deux ailes immenses qui battaient. Et ça grandissait, ça se rapprochait. Et bientôt il a pu voir les plumes comme des arbres. Et ça remplissait le ciel tout entier. Il n'aurait jamais pensé que le ciel pouvait être aussi grand. Un aigle géant s'approchait. Et soudain, il a senti la poitrine de l'aigle l'écraser contre le rocher. Et le vent s'est mis à souffler. Et le froid le gagnait. Il sentait les plumes glacées sur son visage. Il pouvait à peine respirer. Et le froid le gagnait. Gagner ses bras, ses jambes, son dos, son ventre. Et il ne lui restait bientôt plus qu'un tout petit endroit chaud dans la poitrine qui diminuait, diminuait. Et il s'est dit « Il ne faut pas qu'il s'éteigne. Il faut que je le garde. Sinon je vais mourir. Il faut que je le garde. » Et tout à coup, Il en a eu assez de sentir les plumes glacées sur son visage. Et sans réfléchir, tant pis. Le peu de chaleur qui lui restait, il l'a soufflé dehors. Alors l'aigle s'est écarté. Il l'a regardé et il lui a dit. Il était temps. Tu as trouvé tout seul ce que tu devais faire. C'est bien. Tu dois être fatigué maintenant. Repose-toi entre les deux rochers. Et demain, tu pourras retourner dans ton village. Maintenant, tu grandiras. Et si un jour tu as encore besoin de quelque chose, n'importe où tu seras, ramasse une pierre par terre. Jette-la par-dessus ton épaule dans le pays de l'autre côté. Et alors, tu verras, mon grand frère viendra t'aider. Et Yorg a vu l'aigle sauter, battre des ailes et s'éloigner lentement, se dissoudre et disparaître dans le brouillard. Alors, il s'est calé entre les deux rochers. Il a posé sa joue sur la pierre pour attendre le sommeil. Mais juste avant que le sommeil ne vienne, il a senti que quelque chose voulait sortir de sa bouche. Il a craché. C'était une petite perle blanche. Le lendemain, le petit Yorg s'est réveillé. Il a pris le petit os et la perle dans sa main. Et pierre après pierre, rocher après rocher, il s'est mis à descendre. Arrivé en bas, la forêt l'attendait. Il a marché du côté où la terre descendait. Et bientôt, il s'est retrouvé dans la clairière. Il avait à peine respiré contre le bois de la porte que la vieille était là. Mais on dirait que c'est le petit Yorg qui revient. Alors, tu es déjà de retour? Tu as pensé à moi? Le petit Yorg a ouvert sa main, et quand la vieille a vu le petit os et la perle, elle a dit « Je le savais! Vous avez tous les mêmes! Tu vois ce petit os? Eh bien, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de ton corps et qui t'empêchait de grandir. Et pour la perle, c'est plus beau qu'un petit os, mais tu sais, c'est pareil. Alors, c'est pour moi? Je peux les garder? C'est vrai? Oui, je vous avais promis. » Et la vieille, tout émue, a couru vers l'armoire. Elle l'a ouverte et alors, effrayée, Yorg a vu que l'armoire était remplie de milliers de petits os de poulet. Et en tremblant de bonheur, elle a rangé le sien parmi les autres. Et elle a laissé tomber sa perle dans une boîte avec les autres perles. Ils ont mangé, dormi, puis le lendemain, le petit Yorg s'est remis en chemin vers son village. Quand il est arrivé, c'était l'après-midi. Il faisait beau, les gens étaient dehors. En le voyant de loin, ils ont commencé à ricaner, à se pousser du coude. Tiens, on dirait bien que c'est le petit Yorg qui revient. Mais quand ils l'ont vu d'assez près, ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose de changé. Maintenant, dans ses yeux, il y avait deux petits soleils qui brillaient. Alors ils se sont écartés pour le laisser passer. Yorg est entré dans son village et il y a grandi. Il est devenu un homme comme les autres. Seulement, chaque année, presque toujours à la même époque, à la fin de la saison des fruits, il avait de nouveau besoin de quelque chose. Alors, sans rien dire à personne, il ramassait une pierre par terre, là où il se trouvait, et il la jetait par-dessus son épaule, dans le pays de l'autre côté. Et alors, le grand frère du grand aigle gris venait l'aider. Et le ciel devenait sombre, et le vent revenait, et la neige, la glace, le froid. Et ça durait des jours, des semaines, et ça durait des mois. Et puis, ça s'en allait. Les gens avaient peur, ils ne savaient pas ce que c'était. Mais finalement, les gens, dans tous les pays du monde, ce sont les mêmes. Quand ils ne comprennent pas quelque chose, la première chose qu'ils font, c'est lui trouver un nom. Alors ils ont appelé ça l'hiver. Vous venez d'écouter Le Voyage de Jorg, un conte de Michel Hindenoch, tiré du livre Les Trois Oranges et autres contes, édité dans la collection Paroles de conteur chez Siro. Mais ce n'est pas fini. On remet ça la semaine prochaine. Mercredi 11h, dimanche 9h15 sur Radio Pays d'Hérault. Et quand vous voulez, sur le site rphfm.org. Au revoir. À bientôt. À la semaine prochaine.